si gros qu'on le voit battre dans tes yeux. Le ciel est toujours bleu quand il se reflète dans tes yeux. Je ne sais pas comment tu fais pour à chaque fois trouver ciel étoilé. Et tu brilles, tu brilles, tu brilles, Gilberte, en moi tu brilles. D'élan de haine qui débute. Assez de temps pour réconcilier. Que ce dieu idiot t'a laissé, tu les as empilés jusqu'au ciel étoilé. Tu n'es peut-être pas l'étoile la plus brillante, mais celle dont la splendeur et l'éclat m'attendent. Diffuse cette lumière rassurante et bienveillante, ce joyau d'amour pur, cette force éclatante. Et tu brilles, tu brilles, tu brilles, Gilberte, en moi tu brilles. Tu brilles, tu brilles, Gilberte, en nous tu brilles.